Les gènes sont des fragments de molécules d'ADN. Et c'est écrit en tout petit ici, mais ce qui constitue les molécules d'ADN sont des molécules beaucoup plus simples qui s'appellent des nucléotides. Il en existe quatre sortes qui sont symbolisées par des lettres, la A, G, C, T, si vous arrivez à lire. Et ce qui fait la différence entre un gène et un autre, c'est simplement le texte, là, c'est-à-dire la séquence des nucléotides. Toute l'information génétique, c'est en fait ce texte, cette séquence de nucléotides, ce qui fait la différence entre un gène d'une espèce ou d'une autre, d'un gène qui a une fonction, d'un gène qui a une autre fonction, ou entre deux allèles du même gène, souvent c'est la variation et un simple changement d'un seul nucléotide. Donc les mutations, les changements des gènes, ce sont des altérations de cette séquence de nucléotides.